الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. On continue la lecture et la traduction du livre Taysir al-Allam, Sharh Umdat al-Ahkam. Un livre de l'Hafid Abdul Ghani al-Maqdisi, rahimahullah, et une explication de Sheikh al-Bassam, rahimahullah ta'ala. Lors du dernier cours, on avait entamé l'explication du hadith d'Abu Shuraih, radiyallahu ta'ala anhu, lorsqu'il s'est adressé à Amr ibn Sa'id ibn al-As, qui avait envoyé une armée à la Mecque pour combattre Abdullah ibn Zubayr, radiyallahu ta'ala anhu, et donc de façon vous remémorer le hadith, qui est le 214e hadith. Abu Shuraih s'est donc adressé à Amr ibn Sa'id, qui était le gouverneur placé à Médine. Il est parti l'exhorter, le conseiller. Il lui a rapporté la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dite le matin de la victoire de la Mecque, des paroles que Abu Shuraih a entendues de ses propres oreilles et que son cœur a parfaitement compris, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a loué Allah azawajal, puis il a dit que la Mecque, Allah azawajal l'a rendue sacrée le jour où il a créé les cieux et la terre, et qu'il est interdit à une personne qui croit en Allah et au jour dernier d'y effuser le sang, ni d'y arracher un arbre. Et que si une personne utilisait l'autorisation de tuer à la Mecque, si la personne qui autorise de tuer à la Mecque a pour preuve la dérogation qui a été donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit de leur dire qu'Allah azawajal a donné cette dérogation au prophète sallallahu alayhi wa sallam et non à vous, et que cette dérogation, cette autorisation de combattre à la Mecque a été donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant un laps de temps bien déterminé, qui est du lever du soleil jusqu'à la prière de l'Asr, et que après ce laps de temps, la Mecque est redevenue sacrée comme elle l'était auparavant, et qu'il est donc interdit d'y effuser le sang. Donc Abu Shuraih s'est donc adressé à Amr ibn Sa'id dans le but de le dissuader d'envoyer une armée pour combattre Abdullah ibn Zubayr, qui était où? Qui était à la Mecque. Et il a été dit à Abu Shuraih, et qu'est-ce que t'as répondu Amr lorsque tu lui as dit ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a répondu, je connais mieux ces paroles que toi, ô Abu Shuraih. La terre sacrée ne protège pas un désobéissant, ni celui qui se sauve après avoir tué, ni celui qui se sauve après avoir volé. Donc on avait expliqué la dernière fois, lors du dernier cours, les termes qui méritaient explication du hadith, ainsi que le sens général du hadith. Puis, Al-Sheikh al-Bassam, rahimahullah, dit « ma yukhadu min al-hadith ». Donc ce que l'on retient de ce hadith. أولا إفادة العلم وقت الحاجة إليه وهي مناسبته لأنه أبلغ. Premièrement, le fait de donner la science et de propager la science au moment où il y a le besoin, le moment où le besoin se fait ressentir. Car ici, Abu Shuraih a cité ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam au moment où il y en avait le besoin, à savoir, et ce besoin était de aider, de dissuader et de convaincre Amr ibn Sa'id de ne pas envoyer une armée pour combattre à la Mecque. ثانيا نصح ولاة الأمور وأن يكون ذلك بلطف ولين لأنه أنجح في المقصود. Deuxièmement, on retient de ce hadith le conseil qui est prodigué au gouverneur, et que ces conseils doivent être prodiguée avec gentillesse et douceur. Car c'est avec la gentillesse et la douceur que l'on peut atteindre le but. Et ici, le but était de le dissuader d'envoyer une armée. ثالثا تأكيد الخبر بما يثبته ويؤيده من بيان طرق الوثيقة التي وصل منها لكونه سمعه بنفسه أو تكرر عليه أو شاهد الحادث أو نقله عن ثقة ونحو ذلك. Troisièmement, qu'il est recommandé de confirmer la véracité d'une parole et d'une information que l'on apporte. Car ici, Abu Shuraih, avant de citer le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a entendu le matin de Al-Fath, de la conquête de la Mecque, il a précisé que ces paroles, il les a entendues du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que ces paroles, son cœur les a comprises. Donc il a très bien compris les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire ces paroles. Donc il a dit cela pour attester tout d'abord de la véracité des paroles qu'il va citer, et deuxièmement, attester également qu'il les a parfaitement comprises et que ce ne sont pas des paroles dont il a entendu une partie et oublié une autre. Donc ceci prouve qu'il est recommandé, lorsque l'on rapporte une parole ou une information, de montrer les preuves de sa véracité, soit parce qu'on l'a entendu ces paroles nous-mêmes, ou parce que l'on était présent lorsque l'on rapporte un fait, que ce fait j'étais présent, je suis témoin qu'il s'est passé telle et telle chose, ou de citer la personne digne de confiance qui a rapporté cette information. رابعا البداءة بالحمد والثناء على الله تعالى في الخطب والمخاطبات والرسائل وغيرها من الكلام المهم. Également, on retient de ce hadith qu'il est recommandé de louer Allah Azza wa Jal et de faire ses éloges lorsque l'on fait un discours ou un sermon, ou lorsque l'on écrit une lettre, ou lorsque l'on s'adresse et lorsque l'on s'apprête à dire une parole importante. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de commencer son discours le matin de la conquête de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a loué Allah et il a fait ses éloges. Khamisan. تحريم الله لمكة منذ خلق السماوات والأرض مما يدل على أنها لم تفضل لمناسبات مؤقتة وإنما هي عريقة أصيلة في التعظيم والتقديس. أما تحريم إبراهيم عليه السلام فهو إظهار لتحريم الله. Cinquièmement, que la Mecque, qu'Allah عز وجل a rendu sacré la Mecque depuis qu'il a créé les cieux et la terre. Et ceci prouve que la Mecque n'est pas une ville méritoire parce qu'il se passe là-bas des événements ponctuels, comme le pèlerinage par exemple. La Mecque n'est pas sacrée parce que c'est là-bas qu'on fait le pèlerinage. Non, c'est un endroit sacré, antique, ancien. Depuis qu'Allah Azza wa Jal a créé les cieux et la terre, la Mecque, la terre de la Mecque était sacrée. Avant même que la Kaaba n'existe. Avant même que la Mecque ne soit la Mecque. C'était une terre qui était sacrée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait qu'Ibrahim alayhi salam ait rendu sacré la Mecque, comme l'a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique, ceci est une expression de la sacralité qu'Allah Azza wa Jal a accordée à la Mecque. Autrement dit, Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il a rendu sacré la Mecque, il a informé les gens du caractère sacré de la Mecque, qui était sacré depuis la création des cieux et de la terre. سادسا إن الإيمان الصحيح هو الرادع عن محارم الله وتعدي حدوده. Sixièmement, que la foi authentique est celle qui éloigne la personne des interdits d'Allah. Et la foi authentique est celle qui fait en sorte que l'on ne dépasse pas et que l'on n'outrepasse pas les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir » que celui qui craint Allah, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qui n'y effuse pas le sang et qui n'y arrache pas les arbres. Donc ici, Cheikh al-Bassam dit, on en déduit que la foi authentique est celle qui fait en sorte que tu t'éloignes des interdits. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il n'y fuse pas le sang. Donc qu'il s'éloigne du fait de tuer quelqu'un dans l'enceinte de la terre sacrée. Sabi'an, tahrim safk ad-dima'i fi Makkah, wa zahir at-tahrim mutlaqan, wa zahiruhu at-tahrim mutlaqan, wa ya'ti bahthuhu insha'Allah ta'ala fi al-hadith alladhi ba'da hadha. Septièmement, le contenu de ce hadith, l'interdiction d'effuser le sang dans la Mecque. Et ce qui apparaît est l'interdiction catégorique, l'interdiction absolue. C'est-à-dire d'y effuser le sang, quelle que soit la forme d'effusion de sang. Et cela sera traité dans l'explication, dans le 215e hadith, où Cheikh al-Bassam, rahimahullah, citera notamment la divergence des savants sur la mise en application des peines. Est-ce que l'on a droit, est-ce que l'on a le droit d'appliquer la peine de mort à la Mecque? Et l'on verra que l'avis de la majorité des savants est que la peine de mort n'est pas appliquée à la Mecque lorsque la personne commet son crime à l'extérieur de la Mecque. Car les savants ont divergé également sur ce point. Celui qui a commis un crime à la Mecque, qui a tué une personne à la Mecque, la loi du talion est appliquée sur lui et la peine de mort est appliquée sur lui à la Mecque. Là où il y a la divergence des savants est celui qui a commis un crime à l'extérieur de la Mecque, puis qui se sauve à la Mecque pour y trouver sécurité. Car certains savants disent que, et c'est l'avis le plus prépondérant, inshallah ta'ala, est que celui-ci, la peine de mort n'est pas appliquée sur lui à la Mecque, mais qu'il doit être amené à l'extérieur de la terre sacrée pour que la sentence soit appliquée sur lui. Donc celui qui tue une personne à l'extérieur de la Mecque, puis se sauve à la Mecque, car certains savants disent qu'on n'applique pas la peine. Donc certains se sauvent à la Mecque pour y trouver là-bas la sécurité, pour ne pas que la peine de mort soit appliquée sur lui. Les savants disent notamment, donc certains savants disent que la peine est appliquée, et on verra les détails de cette divergence la semaine prochaine, inshallah ta'ala. Et d'autres savants disent que non, on n'applique pas la peine de lui à la Mecque, mais que l'on doit le sortir à l'extérieur pour appliquer sur lui la peine de mort, et ceci car le professeur Hassan a interdit l'effusion de sang à la Mecque. Ceci en guise d'obéissance à la parole du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam et en guise de respect par rapport à la terre sacrée d'Allah azza wa jal. ثامنا تحريم قطع شجرها ظاهره سواء أن يكون قد نبت بنفسه أو غرسه آدمي ويأتي بحثه إن شاء الله تعالى في الحديث الذي بعد هذا. Huitièmement, on retient de ce hadith l'interdiction d'arracher, de couper des arbres à la Mecque. Et ce qui apparaît de cette interdiction est que cela englobe tous les arbres et toutes les plantations, celles qui ont poussé naturellement ou celles qui ont été fait pousser par les êtres humains. Et il y a une divergence des savants également à ce sujet, et l'on traitera cela dans l'explication du hadith suivant. تاسعاً إنه لا يحل لأحد أن يترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقاتل في مكة. Neuvièmement, qu'il est interdit à quiconque de prendre comme dérogation la dérogation qui a été donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam par Allah subhanahu wa ta'ala et de tuer et de s'autoriser de tuer à la Mecque car cela a été autorisé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué clairement que cela était une particularité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah azza wa jalla a autorisé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à personne d'autre après lui. Ceci premièrement, et deuxièmement, que cette dérogation n'était pas continuelle, mais c'était une dérogation ponctuelle pendant un temps bien déterminé entre le lever du soleil et la prière de l'Asr. Ashiran. إنه أبيحت للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة لم تباح قبلها ولن تباح بعدها. Dixièmement, que cette dérogation a été donnée au prophète صلى الله عليه وسلم un laps de temps. Et la Mecque, il y était interdit de tuer avant ce laps de temps et il ne sera plus jamais autorisé de tuer à la Mecque après ce laps de temps. 11. إن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة عنوة لقوله فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. 11. Le prophète صلى الله عليه وسلم a conquis la Mecque de force, par la force. Car le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, et si une personne s'autorise de tuer à la Mecque sous prétexte de la dérogation qui a été donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on en déduit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a usé de la force pour conquérir la Mecque. Car il y a une divergence des savants. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conquis la Mecque par la force ou sans avoir eu recours à la force? Il y a une divergence des savants à ce sujet et l'on verra cela également lors de l'explication du hadith suivant la semaine prochaine, inshallah ta'ala. 12. وجوب تبليغ العلم لمن لم يعلمه لا سيما عند الحاجة إليه وهذا ما حمل أبا شريح على نصيحة عمر بن سعيد. 12. On retient l'obligation de ce hadith, l'obligation de transmettre la science à celui qui ne la connaît pas. Notamment lorsqu'il y a un besoin dans cela. Et c'est ce qui a poussé Abu Shuraih à prodiguer ce conseil à Amr ibn Sa'id. 13. قال ابن جرير وفيه دليل على قبول خبر الواحد لأنه من المعلوم أن كل من شهد الخطبة قد لزمه الإبلاغ. 13. Ibn Jarir a dit, et il y a dans ce hadith une preuve que l'on accepte la parole d'une seule personne. Car il est connu que toute personne qui a assisté à ce discours du prophète sallallahu alayhi wa sallam se devait de le transmettre. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. et que le présent rapporte cette parole à l'absent. Et donc, il est autorisé d'accepter l'information apportée par une seule et même personne, car l'obligation était individuelle. Le professeur Hassem a dit que celui qui est présent en informe celui qui est absent. Donc, c'est un devoir individuel. Et donc, on en déduit qu'il est autorisé d'accepter la parole d'une seule et même personne lorsqu'elle est, bien sûr, digne de confiance. Tanbihun. بحوث هذا الحديث الخلافية أخرناها إلى الحديث الذي بعد هذا لأن معنى الحديثين متقارب. Donc ici, le Cheikh Al-Bassam fait une remarque en disant que tous les sujets à divergence entre les savants que le Cheikh les a retardés dans le hadith suivant, le 215e hadith, car le sens des 214e et 215e hadith sont proches. تنبيه آخر قال شيخ الإسلام ولا يقطع شيء من شجر الحرم ولا من نباته إلا الإذخر وما غرسه الناس أو زرعوه فهو لهم ثم قال رحمه الله وأما زيارة المساجد التي بنيت بمكة غير المسجد الحرام كمسجد الصفا وكمسجد المولد وغيره فليس قصد شيء من ذلك من السنة ولا استحبه أحد من الأئمة وإنما المشروع إتيان المسجد الحرام خاصة وكذلك قصد الجبال والبقاع التي حول مكة كجبل حراء فإنه ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم زيارة شيء من ذلك بل هو بدعة. تنبيه ثالث حينما هم عمرو بن سعيد بمحاربة عبد الله بن الزبير بأمر من يزيد بن معاوية وجه إليه من المدينة جيشا بقيادة عمرو بن الزبير أخي عبد الله وكانت بين الأخوين عداوة فسار الجيش من المدينة وحينما اقترب من مكة أخرج له عبد الله بن الزبير فرقتين من الجيش المرابط معه في مكة فصارت الهزيمة على الجيش الأموي وأسر عمرو بن الزبير فحبسه أخوه وضربه بالسياط إلى أن مات. Deuxième remarque de Cheikh Al-Bassam, il dit que Cheikh Al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit que l'on ne coupe rien des arbres de la terre sacrée de la Mecque, ni de ses plantations, sauf Al-Idkhir, qui est une herbe à la Mecque connue pour avoir une bonne odeur, et l'on verra les détails de Al-Idkhir et de cette exception de l'Idkhir dans le hadith de la semaine prochaine, inshallah ta'ala. Également, qu'il y a exception faite aux cultures. Ce que les gens ont cultivé, il est autorisé de le prendre, comme ceux qui cultivent du blé, des céréales à la Mecque. Est-ce qu'il leur est autorisé de récolter le céréale qu'ils ont cultivé ou pas? Oui, alors que c'est une forme d'arrachement. D'accord? Mais c'est une exception, l'on verra les détails de cela. Puis il dit, rahimahullah, quant à la visite des mosquées qui ont été construites à la Mecque, hormis la mosquée sacrée de la Mecque, comme la mosquée de Safa, la mosquée de Maulid et autres mosquées, le fait d'aller les visiter et de s'y rendre dans le but de les visiter ne fait pas partie de la sunnah. Et aucun des imams n'a considéré cela comme recommandé. Mais ce qui est autorisé uniquement est de se rendre et de visiter la mosquée sacrée de la Mecque. De même, le fait de visiter les montagnes ou les endroits autour de la Mecque, comme la montagne de Hira, là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu, où est présente la grotte dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation, il ne fait en aucun cas partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de visiter ces lieux. Au contraire, cela fait partie des innovations. Puis une troisième remarque de Cheikh Al-Bassam, et on terminera par cela. Lorsque Amr ibn Sa'id a eu la résolution de combattre Abdullah ibn Zubayr, car au final, est-ce que Amr ibn Sa'id a pris en considération le conseil d'Abu Shuraih? La réponse est non. Il n'a pas pris en compte la recommandation et le conseil de Abu Shuraih et il a envoyé une armée pour combattre Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhu qui était à la Mecque et il a envoyé donc Amr ibn Sa'id était à Médine, était le gouverneur de Médine. Il a envoyé une armée de Médine vers la Mecque pour combattre Abdullah ibn Zubayr et il a mis à la tête de cette armée qui Amr ibn Zubayr, qui n'est autre que le frère de Abdullah ibn Zubayr, car il y avait entre eux une animosité. L'armée est donc partie de Médine pour se rendre à la Mecque. Et lorsqu'elle s'est approchée de la Mecque, Abdullah ibn Zubayr a séparé l'armée en deux et a fait en sorte qu'il y avait deux fronts. Il a ainsi eu le dessus sur l'armée qui venait de Médine et Amr ibn Zubayr, son frère, a été fait prisonnier. Abdullah ibn Zubayr l'a fait prisonnier et l'a frappé jusqu'à la mort. Et les détails de cela est que Amr ibn Zubayr avait offensé énormément de gens, notamment en les frappant. Et Abdullah ibn Zubayr, radiyallahu anhu, a rendu justice à toutes ces personnes. Et toutes les personnes qui se plaignaient que Amr ibn Zubayr les avait frappés, eh bien, Abdullah ibn Zubayr faisait en sorte que ces coups lui soient rendus. Et ainsi, les coups lui ont été rendus les uns après les autres, jusqu'à mourir des suites de ses blessures. Donc, Achir al-Bassam, rahimahullah ta'ala, a cité cette troisième remarque pour montrer que Amr ibn Sa'id n'avait pas fait preuve de justice et n'avait pas écouté le conseil de Abu Shuraih et n'avait pas pris en compte la parole du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et ainsi, il a subi cette défaite et il a été tué par la suite par Abdul Malik ibn Marwan. Wa yaktafi bihada al-qadr wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.